c'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux, Laramé, avec sa chronique qu'on télécharge quoi? Oh, c'est Stéphanie Gagné et Émilie Gauthier et vous aussi. Vous! Toi, t'es où? Je te vois pas. T'es où? Mathieu Plante. T'es loin. Je suis juste devant toi. On se croirait dans les jeux vidéo il y a à peu près 10 ans, tu sais, où les affaires apparaissaient au fur et à mesure que t'avançais, mettons. Là. Yeah, t'as pas toi. Tu conduisais ton auto, puis là, à un moment donné, il y avait un bloc appartement qui apparaît. Whoop, une grosse bâtisse. Ouais. Exact. C'est le brouillard, Chris. Ça. C'était le bon temps. Oui, le bon temps, les jeux vidéo, on aimait donc ça. Bienvenue à l'assemblage requis en ce mardi 16 novembre 2010. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. C'est François. Olivier. François, trait d'union Olivier. Exact. Le trait d'union fait autant partie de ton nom que le François, la cédille et l'Olivier. Tout à fait, mais je l'avais expliqué, je pensais. Oh, ah, oui, okay. Deux fois, je crois. Deux fois, bon ben. C'est que les gens à l'école t'appelaient François-Olivier. Ils pensaient que c'était François-Olivier comme d'un... François-Olivier. François-Olivier, parce que Olivier est un nom tellement commun. Hein. Ouais. Peut-être de nos jours, par contre. Peut-être que c'est devenu un nom populaire, hein, parce qu'à cette heure, tu peux appeler ton enfant Spatule ou n'importe quoi. Ouais, hein? J'avais entendu cette histoire. Ouais. Spatule, mon Dieu. En tout cas, chevreuil, mettons. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, à l'émission, plein de gros sujets. C'est vraiment notre journée du trop de contenu. Trop de contenu, peu de temps. Très, très peu de temps pour de la musique, entre autres. Le mardi, c'est une grosse journée. Pour vrai, dans la semaine, et c'était prouvé aussi que... Pour les gens en fait qui cherchent un emploi, le mardi est une très très bonne journée. Ah oui, comment ça? Oui, tout à fait. En fait, pour rencontrer les propriétaires d'entreprise, souvent sont plus là le mardi que le lundi. Ah oui? Dans le sens que le lundi aussi, ils reviennent au travail, donc plus ou moins de temps accordé. Donc si vous cherchez un emploi, là, c'est aujourd'hui que ça se passe, allez porter des CV. Oui, pour se faire couper les cheveux aussi, hein, parce que c'est fermé le lundi, c'est comme la fin de semaine. C'est vrai, c'est vrai. Vas-tu, j'y avais pas pensé à ça. On en sort des faits aujourd'hui. Ben, ça, on va avoir une chronique, c'est un fait aujourd'hui. Je suis en train de la préparer juste là, à ma droite. Ça s'en vient. Il y a aussi Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle va nous présenter son coup de cœur de la semaine. Un autre top 1 dans son top 100 qui n'est composé que de top 1. Bon. On a aussi Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi? Tu nous parles de quoi cette semaine? Est-ce que tu le sais, Mathieu? Non. Mais la semaine dernière, on nous avait parlé de Panache. Oui, c'est vrai. Panache qui est rentré sur le palmarès cette semaine. On lui a volé son scoop, on pourrait dire. Eh, fait qu'on va voir. Peut-être qu'il va nous en parler quand même. Et voilà. Ça serait intéressant quand même. On aimerait ça. On va aussi recevoir Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Elle nous parle de plein air. Et aujourd'hui, dans sa chronique, elle nous fait un spécial parce que c'est sa fête. Donc, elle parle de différents endroits qu'elle apprécie elle-même particulièrement, mais qui ne sont pas nécessairement très, très près. OK. C'est bien? Oh oui, ça va être cool, ça. Qu'est-ce qu'on a aussi, Régis Solery? Ça finit plus, hein? Levez la main dans le public, dans notre auditoire en folie, qui n'est pas dans l'émission d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde est dans l'émission d'aujourd'hui. Régis Solery avec sa série « Quand la mort se fait originale », c'est la numéro 9 aujourd'hui. Oh! Exact. Oui. C'est la numéro 9. Ah oui! Non, je fais des jeux de lumière. Mathieu, ouais. Il s'en donne à cœur joué. Là. François, c'est comme un chat. C'est comme un chat. Je peux le faire sauter des airs avec ma montre. mais on va commencer l'émission avec Brad Van 3000. Voici You. You. You. You. Parce que you are also on this radio show. Oh. Douteux. I'm

Monster Dante de Mr. Valère dans Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées sur l'album Golden Bombay. Ouh, c'est bon. Ouh, c'est bon. Hein. Hey, c'est bueno. Bueno. Bombay, ça fait, je sais pas. Ouais. Écoute, on est parti fort un matin avec Brand Van et suivi tout de suite après de Mr. Valère. Ça rockait le basic pas mal fort. Ça rockait le basic. Oh yeah. J'aime ça, on dirait que j'ai pas entendu ça souvent. Non, hein? Je pense que c'est peut-être nouveau. Là, bon. Ça sort de la tête de Mathieu Plante. Et qu'il y a des affaires dans ces débris-là, c'est fou raide. Tout à fait. Hey, Mathieu, je te parle d'un homme qui a pris conscience de lui-même par Google Street View. OK. Ben, en fait, ouais, je t'explique un peu la situation. C'est un Britannique qui pesait un peu plus de 130 kilos. Okay. Qui s'est mis au régime après s'être reconnu sur Google Street View. Il s'est vu, puis là, il s'est dit « Ah ben, Colin, je suis obèse. » Oui, et de par ses dires, il a été horrifié il y a un an lorsqu'il s'est reconnu sur le site de Google Street View. On sait c'est quoi, le Google Street View. C'est, en fait, là, c'est... comment je pourrais dire? Ben, c'est une, ben, dans le fond, c'est comme une carte virtuelle, mais dans laquelle tu peux te présenter presque avec ta vision dans la rue, puis là, te promener, tu peux c'est voir ça, les endroits. C'est à 360 degrés, ouais. Et puis on peut avancer, on peut reculer, on peut aller partout. En à fait, la là. Gauche, à droite, en diagonale. C'est ça, exactement. Et puis, lui dit qu'il était massif et son estomac ressortait et qu'il avait de l'air énorme. Okay, juste pour vous dire, 130 kg, c'est ça que tu as dit, son poids? Ouais. C'est 286 livres. Ouais. C'est plusieurs livres. C'est plusieurs livres. Mais encore là, tu sais, je pensais, c'est pas non plus... Non, c'est pas énorme, là. Ben, oui, mais en tout cas, ouais. Mais non. Mais oui, mais non. Et puis, grâce à un régime draconien à fruits, salades, de protéines, au lieu de gâteaux et des petits plats emportés qu'il avait habituellement l'habitude de prendre, Muse. Ça ressemble à, c'est quoi, Jason Muse dans les films de Silent Bob, Jay Silent Bob? Je sais pas. Je crois. News. Hey, il a perdu un tiers de son poids. Il pèse désormais maintenant 89 kilos. Ben, félicitations, c'est super ça. C'est ouais. Vraiment parfait. Il témoigne que s'il a pu le faire, tout le monde peut le faire. Tout à fait. Et il se sent bien aujourd'hui en meilleure forme. Mais est-ce qu'il fallait vraiment Google Maps pour remarquer ta rondeur? C'est ça que je trouve ça parce spécial. Parce qu'ils ont inventé récemment les miroirs. Aussi. Non, c'est ça, aussi, mais ça aussi. Fait longtemps. Non, récemment. Ambitionne pas. Fait une couple d'années. Et puis les bâtisses avec des vitres aussi. Tu sais, juste des une photo indices, aussi, ça. Des fois, ça peut... Une photo, oui. Tu sais, quand tu dois te faire prendre en photo, mettons, pour ton profil Facebook, tu sais, puis il faut que la personne recule de l'autre bord de la pièce, ça peut être... Bon, en tout cas. Back up. C'est ça. On n'est pas là pour vous juger. Et puis, je te parle d'un autre, une sorte d'affaire, par exemple, un peu, qui me fait sortir dans mes gonds. Ce matin. En fait, c'est des individus. T'as l'air vraiment fâché. Ça me fait sortir de mes gonds. Non, mais pour vrai, ça me fâche vraiment le braconnage. Ouais, OK. Ça me fâche. C'est des jeunes hommes qui ont été interceptés le 25 septembre dernier. Ça remonte quand même un bout. Là, en possession de 54 canards de plus que la limite permise. Et c'est ça, c'est bizarre parce que c'est des. Canards. Ouais, j'imagine que en fait c'était pour manger. Ils sont procédés à l'interception dans le coin de Saint-François-du-Lac. En fait, je sais pas trop exactement. Proche d'un lac, je pense. Oh, ouais, c'est ça exactement. Et les agents ont également constaté que les chasseurs avaient commis d'autres infractions, dont avoir chassé des oiseaux migrateurs sans permis. Mm. Tu sais, bref, là, ils ont fait pas mal ce qu'ils voulaient. Ouais. Et il y avait en leur possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique et avoir chassé un animal interdit, soit le castor. En fait, là, s'ils sont reconnus coupables, ils vont avoir un peu plus de 8 000 $ d'amende. Mais 8 000 $ d'amende pour 54 canards de plus, mm-hmm. Je trouve ça, c'est pas beaucoup. Non. Je trouve pas ça beaucoup, pour vrai. C'est important de respecter la nature parce que ouais. S'il y a des limites, je pense que c'est pas pour rien. Et voilà. Et puis, L'argument de « Ah, il y en a plein d'autres », là. Pas tant, ça. Pour moi, pas tant. L'argument de « Ah, il y en a plein des canards, il y en a plein, il y en reste plein ». Ouais, c'est ça, mais attends pas qu'il reste plus. Ah non, c'est ça exactement. Puis on sait ce que ça fait quand il en reste plus. Là. Et que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et l'expression. Mathieu Blanc. Ben, plein de choses. Dont aller entendre du Alex Nevsky. Ah, ben c'est oui. Sous les stroboscopes? Sous les stroboscopes. Oh, ouais. Ben, je te le dis, c'est le même. Oh, pourquoi tu m'as cliqué? cliquer les yeux. Cliquer les yeux. Parce que je suis un geek et je clique de tout. Oh yeah. Alex Nevsky sous les stroboscopes. Et puis après ça, ben, éventuellement, on devrait avoir Stéphanie Gagné avec sa chronique « Ton plat favori ». Éventuellement, comme dans « Juste après la chanson ». Genre... Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de oubli dans sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimant sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli dans sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit dans sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeant sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli dans sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Down sous les stroboscopes. Black, white, black, white, black, white, black, white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the by the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies down sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli. Remplir nos têtes de sous les stroboscopes, abattant finesse et finance sous les stroboscopes, tous tirant dans la tyrannie sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. C'est fou ça. 89.1 sur le net au cfou.ca. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. De toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand. Et de Mathieu Plante. Et de Stéphanie Gagné. Oh, Stéphanie Gagné. La Stéphanie Gagné, là. Celle qui fait ton plat favori. Je suis ton plat favori. J'étais pas sûr. Ah ah, j'étais pas sûr, j'étais pas sûr. Salut Stéphanie. Allô Mathieu. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Super, on est content de te voir. On voit ça, j'ai tout fait un accueil. Ben, Colin, s'il y avait une foule ici, elle se ferait aller les bras. Oui, et on serait pognés en tabarouette. Oui, vraiment, ça serait la folie furieuse. Ah! Donc, bonjour Stéphanie. Ton plat favori, c'est ta chronique où tu nous présentes tes coups de cœur artistiques, culturels, musicaux, cinématographicaux, bandes dessinées. T'as jamais fait de bande dessinée dans ta chronique, mais non. Bon, ça pourrait arriver un jour à un moment donné. Peut-être. Je pense que j'ai jamais lu de bande dessinée au complet de ma vie. Et Colin, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. L'as-tu reçu? Le Blu-ray? Oui, je l'ai reçu. Oui. Parlons-en plus tard. C'est ça, c'est pas ma chronique à moi, là, c'est la chronique à Stéphane. Non, c'est parce que tu m'en avais pas parlé. Ouais, mais je te garde des surprises. Alors, cette semaine, c'est rare. D'habitude, je fais tout le temps pas mal de la musique, des fois les films. Mais cette semaine, c'est une série de 5 courts-métrages d'environ 5 minutes chacun qui a été faite par 3 trifluviens. Il y a Alexandre Dosti qui a scénarisé et réalisé la série. Il y a David Leblanc, le directeur photo pour la portion vidéo. Et Benoît Payet qui a été de la direction directeur de la photo pour la portion photographique. On peut retrouver ça sur le site internet de FondTV5. Dans le fond, pour réaliser les vidéos, le groupe des trois gars a présenté son projet au Fond TV5 pour la création numérique et ils ont gagné avec 7 autres projets pour une bourse. Ils ont eu 15 000 $ pour produire les 5 épisodes. Et quand même important de mentionner que c'est le seul projet qui a été réalisé en dehors de Montréal sur les 8. Donc, ils ont très bien utilisé leur budget, vraiment, parce que c'est très, très beau. Oui, c'est vraiment très esthétique. C'est super bien fait. Dans le fond, pour l'histoire des vidéos, c'est en fait, c'est 5 narratifs de différents personnages qui habitent dans le quartier Sainte-Cécile. Alors, comme il y en a un que c'est Lou, il y en a un que c'est... je me rappelle plus des noms. Serge, Danny, Chantal et Pat. Exactement. Donc, ils ont toutes des différentes histoires. On sait que c'est assez diversifié, le milieu de Sainte-Cécile. Donc, c'est ça. Ce qui est original, c'est que c'est un mélange de photos et de vidéos. Donc, dans le fond, on voit le vidéo et là, ça arrête et on voit différentes images. C'est super original. Puis aussi des aspects animés, parfois, qui sont dans l'imaginaire des personnages. Donc, on voit la réalité des personnages, mais on les voit aussi s'en aller dans leur imaginaire. Je trouve ça vraiment, vraiment très original. C'est très cool. Et ce qui est très hot aussi, c'est que le groupe veut présenter ses productions dans... des festivals internationaux pour profiter de l'expertise de Travelling avec qui ils ont travaillé pour faire les courts-métrages. Donc, je cite Alexandre Dosti. Même si ça concerne un quartier particulier, Trois-Rivières, ça demeure très universel comme sujet. D'abord, il y a des quartiers comme ça dans toutes les villes d'une certaine importance à travers le monde, mais aussi le regard qu'on pose sur le quartier est une façon de parler des gens qui l'habitent. C'est comme parler de l'étranger, celui qui habite à côté de chez soi et qu'on ne connaît pas. J'espère que les gens de partout vont se reconnaître là-dedans, mais je pense que ça a le potentiel pour plaire à des gens de n'importe où. Et c'est vrai. Oui. C'est vraiment super bon. Et moi, mon chouchou, personnellement, c'est le vidéo sur Lou. C'est une petite fille qui vit dans son imaginaire pour se cacher de sa réalité qui est pas très, très facile. Donc, on va entendre un petit extrait de Lou. Les jours, ils viennent. Des fois, il y en a un. Des fois, il y en a plus que le ciel. Des fois, il y en a tellement qu'on pense que c'est la nuit. Mais c'est pas la nuit. C'est juste eux. Les grands oiseaux. Mes petits anges. Je fais la course dans les petites rues de Sainte-Cécile. J'oublie tout. Je remplis mes oreilles de vent. Puis je laisse flotter mes cheveux entre les cordes à linge. Plus haut que les balcons. Je laisse mes cheveux aux oiseaux. Parce que je voudrais voir. Voir le quartier d'en haut. Voir jusqu'où ils volent mes oiseaux. Moi, je cours parce que je sais pas voler. On dirait vraiment un dessin animé. La façon que c'est fait, c'est vraiment super. Oui, c'est vraiment beau. Donc, si vous voulez voir ça, allez sur le site internet de Fond TV5. Donc, c'est super, super intéressant. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que moi, j'ai parlé de l'impro la semaine passée. J'y allais vraiment souvent. Et on voit que c'est vraiment les mêmes artistes qui vont dans pas mal tous les domaines, ouais, de Trois-Rivières. Celle qui joue Lou, en fait... Gwendolyn Côté. Exactement. Elle a fait de l'impro dans la Ligue d'improvisation mauricienne. Alexandre Dossier aussi. Il y a un autre des personnages que j'ai reconnu de l'impro aussi, qui faisait de l'impro, c'est François Gagné. C'est un impro, ça fait un méchant bout de temps. Il fait aussi du théâtre à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment intéressant. Si les noms de certaines de ces personnes-là vous rappellent quelque chose, c'était aussi des animateurs vétérans de C'est fou. Oui, exact. En majeure partie. En grosse partie. On les adore, on les apprécie, on les suit. Et puis, ils font du très, très bon travail. Sérieusement, c'est très, très bon. Vraiment. Merci, Stéphanie, pour ton plat favori. Moi, je te renvoie la balle avec mon dessert. Hein, François? Hein, Mathieu? Mon petit dessert. Tu vas l'aimer, mon petit dessert aujourd'hui. Coquelicot. Sucré. Ah, arrête donc. Oh, c'est cool. C'est le petit bébé Embry. Est-ce que tu as vu le petit bébé Embry? Moi, qui danse sur Florence and the Machine, la chanson Dog Days Are Over. Est-ce que tu as vu? Ah non. Oui. Ben, on va regarder ça ensemble, toi, Stéphanie, parce que c'est ben trop cute. C'est un petit bébé qui a l'air comme. Bon, le bébé Embry est en train de se fâcher, là. Puis là, ben là, sa mère fait partir la chanson. Le petit bébé sourit, il aime ça. Quand tu m'as dansé. Il regarde un petit peu partout et il fait des sourires. Le refrain s'en vient. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! C'est ça. Il capote. C'est pas loin du syndrome du bébé secoué, ça. Oui, ça ressemble à ça. Faites attention à votre petit bébé. Mettez pas de la musique aussi entraînante, là. Hein, si bien enregistré, c'est une belle cassette. C'est fou comment ça peut réagir, hein, des fois. Oui. Il a pas l'air il a l'air jeune, mais il a pas l'air naissant. Il a pas l'air jeune, c'est-à-dire. Il a pas l'air naissant, là. Il a quel âge, ce bébé-là? Je sais pas, moi. Il est quand même jeune. Mais il est trop cute. Bref, allez voir la vidéo. C'est sur assemblagerequis.com. Je vais vous mettre ça dans l'ordre dans les prochaines minutes. Petit bébé, Florence and the Machine. D'ailleurs, on va aller écouter, pourquoi pas, la pièce Dog Days Are Over de Florence and the Machine à Assemblage Requis. Merci beaucoup, c'est fait. De rien. Merci, Steph. À la semaine prochaine pour une autre édition de ton plat favori. François, check-toi. Je te check, là. Tu veux secouer. Hein? Peux-tu encore mourir secoué à cet âge-là? Peut-être.

avait dirigé un épisode de Twilight Zone en 1961, il est mort décapité par l'hélice arrière d'un hélicoptère en 1981. Victor Morrow, pendant le tournage du film Twilight Zone, est mort décapité dans les mêmes circonstances en 1982. Attention, traversée d'hélicoptère le long de Twilight Zone. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Est-ce que j'avais dit rugueux? C'est rugueux. C'est lugubre. Et puis, c'est difficile. C'est mardi. C'est mardi aussi. Retrouvez Régis Solry la semaine prochaine, tous les mardis à Assemblage Rocky, mais c'est aussi dans le Dîner de con entre 11h et 13h et entre Rock Révélé et Réanimation, les mardis soirs vers les 21h. Écoute, OK, go, voici Gigantic. OK, go avec la reprise des Pixies de la pièce Gigantic à Assemblage Rocky. C'est seulement sur l'Extra Nice Edition de leur album Of the Blue Color of the Sky que vous pouvez vous procurer en ce moment avec deux CD extraordinaires remplis de bonus. De bonus. C'est génial, les bonus. Bonus. C'est? De bonus. C'est du bon. Ça n'a pas de bonus, hein? Oh, ça n'a pas de bonus. Et c'est du bon sound. C'est du bon sound. Ça me faisait penser à une pièce que... À une trame sonore, en fait, d'un film. Ou ouais, de... ça allait bien avec la chronique de Régis. Ouais, je trouve. Monsieur Ollery, appelons-le par... Monsieur Ollery. Docteur Ollery. Docteur Ollery, professeur Ollery. Voilà. Donc, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Il y en a une deuxième tout à l'heure. Et là, il va être rempli. Oui, déjà. Oui, c'est ça. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé un peu plus tard, ou ben, aux alentours de 8 heures, en fait, dans une couple de minutes. Dans ces eaux-là, disons. Dans ces eaux-là. Et parlant d'eau, on va aussi recevoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et quand on peut faire des liens, on les prend. Hein? Alors, restez avec nous, cet Assemblage requis jusqu'à 9 heures. Dans l'avion soufflant avec Adam pour mon moral, j'en branle. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque Nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Et vous êtes toujours à Assemblage requis. Oui, j'ai parlé de bonheur, hein. En fait, le son est encore fort. Non, ben c'est correct. Je ne m'entendais pas. Ah, ben ça m'apprendra à te demander de parler en premier. Arrête de me pointer du doigt comme ça. Ouais, ben des fois, j'essaie de te laisser la place. Hein? Ça s'appelle de l'entraide. Je sais pas comment ça s'appelle, en fait. Sûrement de l'entraide, j'imagine. L'entraide. La cohésion, peut-être qu'on pourrait... La cohésion. Amener des mots bidons un peu n'importe comment comme ça. Je trouve ça fait chic. Tout à fait. Hey, Mathieu, 8h02, vous êtes toujours à Assemblage requis sur le 89.1 FM. FM, en effet, oui. Dans quelques minutes, quelques minutes plus tard, on va recevoir ici même en studio Maxime Lemieux-Laramé pour, après ça, compléter le tout avec Émilie Gauthier. Mm-hmm, ça se complète bien, je trouve, du plein air et de la musique. Parce que quand tu vas dehors, des fois, tu t'amènes ton iPod. Hein? Ton iPod ou ton baladeur? Lecteur MP3 de marque variée, oui, bien sûr. Tout à fait. Hey Mathieu, on poursuit-tu en musique avec Nicolas Sarcevic, qui est le chanteur de Melancholin, qui a parti en fait une petite carrière solo, qui se déroule bien, je pense, qui semble. Là, toi, fait. T'aimes ça, en tout cas. Oui, moi, j'aime ça. Mais je l'ai vu à Montréal aussi, quand il était venu dans sa tournée solo. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de monde. Et en fait, là, il avait dit aussi en spectacle que c'était une des seules fois où il y avait beaucoup de monde. Et je trouvais pas... Qu'il n'y avait pas tant de monde que ouais, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Wow. Donc, d'après moi, il ne reviendra pas dans le coin. Mais je pense que ça marche bien aussi en Europe. Parce qu'évidemment, il vient de Suède, ce truc-là. Donc, ça fonctionne plus, je pense, dans son bout. D'ailleurs, le dernier CD qu'il a fait, il chante en suédois. Ah! Ouais. Mais... Je ne l'ai pas, par exemple. Il est très difficile à trouver ici. Ah oui. Peut-être sur Internet. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Cling, cling des yeux. Pour l'instant, on va entendre sa pièce Let Me In. Au 89 FM, c'est Assemblage requis. Let me out. Good girl, let me out. Good girl, let me out of the gray city concrete so cold, where everybody's got something to sell. Let me out from this place where the young seem too old, and everybody's crawling into their shell. Let me out. Let me in. Good girl, let me in. Good girl, let me into a world where the hate's running dry and there's more common sense in the air. Let me into a place where there's no help to lie and where benefits come if you share. Let me in. Let me out. Good girl, let me out. Good girl, let me out of the bar where there's too much to drink and nobody knows who they are. Let me let me in. Good girl, let me in. Good girl, let me into the country where nature is near, where the path to your love is some far. Let me into the woods where the birds sing our chair, and you and me can stay who we are. Who we are, yeah. Est-ce que tu aurais par hasard changé de place? Oui, tout à fait. C'est ça, les deux micros. Super, c'est le fun. Donc, la demi-hymne de Nicolas Sarcevic. Exact. De Millen Collins. Oui, le chanteur de Millen Collins. C'est merveilleux tout ça. Tout à fait. Ah, ça arrive, désolé, je t'avais pas prévenu. Non, c'est correct. Il y a bien des affaires que je t'avertis pas à l'avance, puis on s'ajuste. Donc, à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées, c'est le moment d'accueillir Maxime Lemieux-Aramé en direct de son vaisseau qui vient de Neptune. C'est télécharge, quoi. Neptune, en plus, c'est ma planète préférée. Ah oui, pour vrai, je suis tombé directement sur ta planète préférée. Et c'est, quelles étaient les chances? Ah, il y en avait beaucoup, hein? Non, c'est ça, pas peut-être une chance sur 10-12, à peu près. Genre 10-12. 10-12. C'est le fun. Moi, je ne serais même pas. J'aurais même pas dit de chiffre. Juste pour être sûr de ne pas avoir l'air d'un épée qui ne sait pas combien de planètes, tu sais. Hein? Hein? Ouais, mais live, demain, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Comme ça. Non. Est-ce que vous connaissez le quartier 10-30, genre à Brossard? C'est là que les Canadiens se pratiquent au hockey. Ouais. Puis c'est ça, mais moi, mes parents habitent à Brossard, puis à chaque fois que je vais là, je dis, hey, on va-tu au 10-12, tu sais, des formations. Comme notre beau 10-12, c'est le 10-30. 10-30, hein. En tout cas, c'était juste pour vous dire que des fois, je vais à Brossard. Ouais. Ben, alors, c'est fun à savoir, hein. Ouais. C'est gentil de t'être remis sur ton 36 aujourd'hui, comparé à quand tu vas à Brossard. Des chiffres. Ah, ouais, des chiffres, c'est des lettres. Des... Alors, consonne. Félicitations pour vos moustaches, les gars. Ça va bien. Il reste plus que 14 jours. Merci. On promet des photos sans cesse. On les met jamais. Les gens ne seront pas. Et puis, il faut appeler les gens aussi. Oui, c'est vrai. On a plein d'affaires à faire. Hein. Ouais. C'est ça. C'est ridicule. Bon, alors, commençons. Alors, télécharge quoi? C'est une chronique musicale dans laquelle je présente trois artistes à découvrir. Des fois, c'est juste une chanson, des fois, c'est juste un album, des fois, c'est l'artiste en tant que tel. Mm-hmm. Alors, pour commencer cette semaine, j'ai vu que LCD Sound System et Hot Chip sortaient un album en commun live. Alors, on peut pas vraiment traduire ça, un album. Un album. Prestation. En direct, non, c'est ça. Ça marche pas c'est en direct. C'est pas acoustique non plus. Non plus. C'est pas. Fait que live. Un spectacle. Un live sur ta chaîne IFI. Alors, c'est ça, c'était pendant un spectacle à London, et puis... En Ontario? Non, c'est ça. Le vrai Londres. Le vrai Londres. Wow. The real one. The real one. Alors, on écoute tout de suite All I Want. Celle-là, c'est de LCD Sound System. Moi, j'ai adoré, je le répète, This Is Happening de LCD Sound System, son plus récent. Et puis, cette pièce-là se retrouve sur cet album-là, mais aussi sur cet album live de LCD Sound System et Hot Chip. LCD Sound System live avec la pièce All I Want. Alors, ça change un peu de ce qu'on entend là, sur leur CD. C'est sûr que live, c'est un peu plus difficile de retrouver les mêmes arrangements qu'un album. Ça sonne très bien, par exemple. Ouais, c'est quand même bien. Hein? Alors, c'est ça, LCD Sound System Hot Chip Live que je vous suggère. Maintenant, on continue en électro. Tu te rappelles, hein, Mathieu, j'en avais parlé de Girl Talk déjà. Là, tu sais, c'est sampling. Mm-hmm. Bon, alors, Girl Talk, Greg Gillis, sort un nouvel album qui est disponible sur le site de son étiquette de disque Illegal Art. C'est gratuit. J'ai essayé de le downloader, je n'ai pas été capable. L'album complet? Album complet. Wow! Mais je pense qu'il y a quand même des problèmes. Là, je ne sais pas trop. Vous essayerez là, sur Illegal Art. Ils vont faire travailler pour quand même. Là. Il est gratuit. Ben, c'est ça, il est gratuit, mais c'est quand même difficile à downloader. L'album s'appelle All Day. Si vous voulez avoir un aperçu, vous pouvez aller sur le site MySpace de Girl Talk. C'est ce qu'on va faire en nous, Mathieu. Oui, exact. Alors, on va écouter la pièce Oh No, qui est disponible sur le dernier album de Girl Talk. Vous allez voir, c'est spécial, c'est du sampling. Sampling qui veut dire de l'échantillonnage. Tout à fait, t'es bon. Ouais, ouais, je suis bon maintenant. Au fur et à mesure. Live. Live. Hit me. Generals gathered in their masses. Get out of the way. Just like witches at black masses. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Evil minds that plot destruction. Get out of the way. Sorcerer of death's construction. Get out the way, bitch. Get out the way. In the fields of bodies burning. Get out the way. As the war machine keeps get turning. Get out the way, bitch. Get out the way. Death and hatred to mankind. Get out the way. Poisoning their brainwashed minds. Oh no, the fight's out. I'm about to punch your lights out. Get the fuck back, guard the grill. It's a home, we can't stay still. I've been drinking and busting too. And I've been thinking of busting you. I'm not the motherfucking bowhead. And if your friends are bitch, tell me both days. I'm in confusion, disturbing the peace. It's not an illusion, we run in the streets. So bye bye to all you groupies and gold diggers. Is there a on your ass? No, nigga. I'm doing 100 on the highway. So if you do the speed limit, get the fuck out of my way. I'm DUI, hardly ever caught sober. And you about to get ran the fuck over. Ooh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Ooh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Like a baseball bat, just like what G said, we ready. you don't stop. If you with it, I'ma hit it, flip it, rub it up and smack it, look back at it, I'ma add it. Oh no, girl talk. J'étais pas sûr au début, les échantillonnages, on dirait qu'ils me disaient quelque chose, puis j'avais comme pas compris que c'était des échantillonnages vocaux. C'est juste ça. Ouais, c'est la musique et les paroles, échantillonnage. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je suggère là, pour girl talk, c'est de le voir live. Là. C'est vraiment une performance. T'sais, c'est un party. Tu l'as-tu vu? Non. Je l'ai vu une fois live, c'était à Oshiaga. Mais moi, je suggère vraiment d'aller le voir live juste lui, là. Mais à Oshiaga, c'était quand même cool quand même. C'était à l'extérieur. Il faisait, c'était en fin de soirée, puis il y avait les feux d'artifice derrière. C'était malade, ah ça, oui. En même temps. Mais je sais qu'il va être à Montréal, au Métropolis. Le troisième mois, c'est quoi, janvier, février, mars? 1er mars. Après les planètes, les mois. La prochaine fois, fais-le dans ta tête, le calcul. Janvier, février, mars. Imagine si je m'étais trompé. Janvier, février, avril, mars. Alors, 1er mars, Métropolis, je vous suggère d'aller voir ça, Girl Talk. C'est ça. Alors, ben, parlez-en. Ouais, c'est ça. Donc, je finis avec une pièce de The Strokes que j'ai découvert. Je vous explique comment. Notre ami Simon Fedibé a posté... posté. A affiché. Hein? Affiché, envoyé. Je dirais plus affiché. D'accord. Le lien de la bande-annonce du prochain film de Sofia Coppola qui s'appelle Somewhere. Et puis, j'avais entendu parler de ce film-là parce que moi, j'aime vraiment Sofia Coppola. Sofia Coppola, si vous la connaissez pas, c'est la fille de Francis Ford Coppola qui a fait les Godfather et autres. Apocalypse Now, si je ne m'abuse. Et puis, elle a réalisé les films Virgin Suicide, Lost in Translation, puis Marie-Antoinette. Moi, de ces trois films-là, j'ai pas vu Marie-Antoinette, mais les deux autres sont excellents. Lost in Translation, c'est avec Bill Murray. Et Scarlett Johansson. Oui, entre autres. Et puis, Bill Murray est incroyable là-dedans. Ah ouais. J'adore Bill Murray. J'ai envie de voir ça. On a une affiche dans notre bureau. Ouais, exact. Ouais. Puis, Somewhere, c'est avec... je sais même plus. Non, je sais. C'est Stephen Dorff. Stephen Dorff, ça te dit quelque chose? Il jouait dans... Blades. Non. Non? Non, désolé. Avec Ellie Fanning, qui est... En tout cas, ça va être bon. il y a des bons acteurs. Bon. Ouais, c'est ça, il y a des bons acteurs. Puis tout ça pour dire que pendant la bande-annonce, il y a une pièce de The Strokes que je savais même pas qu'il existait. Moi, The Strokes, je les adore. C'est le premier groupe, disons, rock indie que j'ai connu en 2001. Et puis, c'est une pièce acoustique... qui s'appelle I'll Try Anything, je savais même pas qu'il existait. Et puis I'll Try Anything, c'est dans le fond la pièce You Only Live Once qui se retrouve sur leur troisième album First Impressions of Earth. Cette pièce-là, je sais pas, mais il paraît qu'elle est sur l'album. Bon, il y a des versions bonus et tout. Et puis, je l'ai trouvé, moi, sur notre site préféré cette année en Groove Shark. Ouais, on en a jamais parlé. De l'année et de l'Internet au complet jusqu'à temps qu'il ferme. Ouais, ben là, on verra, mais jusqu'à date. As-tu vu tout ce que tu peux faire avec ça quand t'as un compte Groove Shark? J'ai pas de compte Groove Shark. Tu peux vraiment te faire une playlist d'un seul clic avec un album complet, puis le sauvegarder dans tes playlists, puis après ça, y retourner et écouter les albums au complet. Donc, où est, tu sais? Je veux dire, c'est trop puissant, là. Y a pas de fin à ça, là. Ah, justement. Mais en même temps, on peut juste les écouter en streaming. Oui, faut être sur Internet, mais quand est-ce que t'es pas sur Internet, sur un ordinateur? Ben, quand t'es dans le bois. C'est ça. Ben, quand t'es dans le bois, peut-être traîne-toi un lecteur MP3 de Marc Varier, tu sais. Ah, c'était de Marc incroyable Varier. Quand t'as dit ça. Alors, sur ce, on va écouter la pièce I'll Try Anything de Strokes. C'est acoustique, c'est doux. Je pars en douceur. Je vous laisse continuer votre journée. Tu t'en vas? Ben, pas tout de suite. Reste avec nous un petit peu tantôt. Seven ways to go to school. Either you noticed or left out. Seven ways to get ahead. Seven reasons to drop out. When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me up, I'll come down and I'll get along with you. There is a time when we all fail. People take it pretty well. Some take it all out on themselves. Some they just take it out on friends. Oh, everybody plays the game. And if you don't, you're called insane. Don't, don't, it's not safe no more. I got to see you. Strokes, I'll try anything once. C'est ça. OK. Mathieu. Bon, ben, c'est bien ça. Mathieu, t'es ma personne préférée à date aujourd'hui. Ben, t'es dans mon top 3, en tout cas. Ben, merci beaucoup, c'est quelque chose. Hein. C'était très doux, en effet, comme pièce. J'aime bien. Ouais, tout doux. Il y avait un bout où il sifflait, mais finalement, c'était toi. Dans le studio. Ouais, ouais. J'étais sûr que c'était dans la chanson. Non, ça m'aurait pas surpris. Sifflait. Désolé. C'est bien. You sifflin' good. Thank you. You're sifflin' good. Thank you. Alors, adieu. Adios. À la semaine prochaine. Je vous laisse avec Émilie. Oui, Émilie, ça vient, toi. Ah, ben, pour l'instant, ben, bon retour sur ta planète. Bye. Adieu. Bye. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Qu'on a du plaisir avec les gens qui viennent de Neptune. Les gens aussi. J'aime ça quand tu dis ça. Ils sentent bon sur Neptune, je trouve. Pourquoi? Ils sentent bon? Ouais, ouais. Ouais. Peut-être qu'ils goûtent bon aussi. Ah, ben ça, je te le dirai une autre fois. On vient après la pause avec Émilie Gauthier et sa chronique Veux-tu sortir avec moi? Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou.

frozen, my hands were frozen, I should have known. But my head was frozen, my head was frozen. But you should forgive us, cause we're all big kids in the end. And you will forget us, cause we're all Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Une fin à la pièce Laughing, assemblage requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin dès 7h. Tout à fait. Mercredi, on reçoit d'ailleurs Vincent qui va nous parler du sport comme la semaine dernière. Ouais, qu'est-ce qu'on a aussi demain? C'est un fait. On remet la chronique, c'est un fait d'aujourd'hui à demain. C'est un fait, oui. On appelle aussi des hommes à la moustache. Ou des moustachus. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Passez une excellente journée. On se bonne retrouve journée à vous. Demain, 7h. Bye. Bye. Bye. Le brouillard est parti. Est-ce parti, le brouillard? Quelle belle musique. On souhaite bonne fête à Émilie encore. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.